Y a-t-il longtemps que vous êtes ici, Angélique ? Non, monsieur. Il n'y a qu'un moment que je sais que vous avez envie de me parler. Et je la querellais de ne pas me l'avoir dit plus tôt. Oui, j'ai à vous entretenir d'une chose assez importante. Et sans secret, m'en irai-je ? Il n'y a point de nécessité que vous restiez. Ou si bien, je crois que ma mère aura besoin d'elle. Je me retire donc.